ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le putsch de Moscou en août 1991. Vers l'heure du midi, c'est devenu extrêmement effervescent. Il y avait des manifestants qui voulaient se rendre à la place Rouge. Ils étaient des milliers. On leur a barré la route. Ils ont dressé des estrades, ils ont employé des mégaphones, ils ont crié des slogans, « Dictatura niet, niet », et ils ont affiché des posters de Andrei Sakharov. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de fébrilité et d'inquiétude aussi chez les Soviétiques. Le journaliste Marc Laurendeau, le 19 août 1991, qui raconte les réactions des Moscovites quelques heures seulement après l'annonce d'un coup d'État contre Mikhail Gorbatchev. Ce coup d'État raté du mois d'août 91 sera néanmoins le début de la fin de l'URSS. Dans les semaines et les mois qui suivront le putsch du mois d'août, les événements se précipiteront jusqu'à la démission du président Gorbatchev le 25 décembre 1991. Le coup d'État a été déclenché hier soir, peu avant minuit, heure avancée de l'Est. L'agence TASS a annoncé le remplacement de Mikhail Gorbatchev par le vice-président Gennady Yanayev. Âgé de 54 ans, Yanayev est un conservateur souvent critique des réformes entreprises par Gorbatchev. Fait rare chez les cadres soviétiques, il connaît l'anglais et l'allemand et est assez versé en politique internationale. Les nouveaux dirigeants ont formé un comité chargé d'appliquer l'état d'urgence dans certaines parties du pays pour au moins 6 mois. Outre Yanayev, on retrouve à ses côtés le premier ministre Valentin Pavlov, le chef du KGB Vladimir Kriouchkov et le ministre de la Défense Dmitri Yazov, tous des conservateurs purs et durs. Pourquoi un coup d'État aujourd'hui? Le comité a expliqué qu'il fallait sauver le pays de la ruine et que Gorbatchev était incapable de diriger le pays en raison de son état de santé. Gorbatchev que personne n'a vu et qui se trouverait en Crimée dans sa datcha en résidence surveillée. Le journaliste Claude Gervais qui décrit le putsch de Moscou du 19 août 1991 pour nous raconter l'histoire de ce putsch raté qui va s'étendre sur 3 jours. Mon collègue, le journaliste Marc Laurendeau. Marc Laurendeau, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Moscou au moment des événements. Marc, on vous entendait d'ailleurs il y a un instant. Revenons dans un premier temps sur ce reportage, l'extrait de reportage qu'on vient d'entendre de Claude Gervais. Dites-nous plus précisément, qui sont-ils ces putschistes et que veulent-ils? C'est le complexe militaro-industriel. Ce sont Khrushchev, c'est-à-dire Vladimir Kriouchkov, qui est le chef du KGB, Boris Pugo, ministre de l'Intérieur, Dmitri Yazov, ministre de la Défense, Gennady Yanayev, le vice-président de l'URSS, Anatoly Loukianov, président du Parlement, ami de Gorbatchev à la faculté de droit. Il y a une traîtrise là un peu ici. Valéry Boldin, chef de cabinet de Gorbatchev, celui qui tient son agenda. Traîtrise là aussi. Valentin Pavlov, premier ministre de l'URSS. Ça, c'est les principaux. La vieille garde, en gros. Oui, ce seront des gens qui veulent ramener l'URSS à 1917. Ouais. La perestroïka, qui est la restructuration, convertir l'industrie militaire à l'industrie civile, ça ne faisait pas l'affaire de ces gens-là. Ils étaient contre. Et même plusieurs d'entre eux étaient contre l'idée du désarmement. N'oubliez pas que Gorbatchev avait amorcé, dans les négociations avec le président américain Ronald Reagan, des phases de désarmement. Ils n'étaient pas très, très chaleureux devant ça. Mais il y avait quelque chose qui s'en venait. Le 20 août, c'est-à-dire une journée après le putsch. Ouais. Oui, oui, oui. C'était une renégociation pour le traité de l'Union soviétique. Ouais. Et ça, on voyait qu'à leurs yeux, c'était un démantèlement. Ces gens-là disaient, ça va contre nos intérêts, ça va contre tout ce qu'on a défendu pendant toute notre vie. C'est la fin de l'URSS, c'est ce qu'ils voyaient. C'est ça. Alors, c'est cynique parce qu'au fond, ils vont précipiter avec ce putsch raté la fin de l'URSS. Oui. Mais ça, c'est en voulant arrêter le train en marche, ouais. Ils ont au contraire si vous voulez, ils n'ont pas arrêté. Ils ont précipité ce qu'ils voulaient empêcher, voilà. C'est-à-dire la chute de l'Union soviétique. Comment on en arrive, Marc, avec ce putsch le 19 août? Ils préparent leur coup depuis quelques semaines. Oui. D'ailleurs, il y avait des avertissements. C'est-à-dire que, déjà, Alexandre Yakovlev, le vrai père de la perestroïka, proche de Gorbatchev, l'avait averti, il y a un putsch qui s'en vient. Ouais. Éloi Shevardnadze, son ministre des Affaires étrangères, avait dit la même chose. Et il est allé au G8, Gorbatchev, cet été-là. Il était bien vu par l'Occident, mais sur le plan intérieur, il n'était pas assez méfiant. Et c'est vrai, ses amis l'avaient averti qu'un putsch s'en venait. Ouais. Peut-être que Boris Yeltsin a été plus aux aguets. Ouais. Bref, ces gens-là l'avaient averti que le climat n'était pas bon. On était à la fin de l'été et il y avait ce traité de l'Union qui s'en venait. Il y avait la possibilité qu'il soit renversé, mais lui ne se méfiait pas. Il était à sa résidence en Crimée. Il est en vacances au moment où ça se trame. Et là, la veille de son départ, de son retour, on demande à le voir. Il est en vacances, il ne veut pas voir personne, il est ennuyé, il est contrarié par le fait qu'un comité veut le voir. Et là, il accepte, mais avec beaucoup de réticence de les voir, mais constate que ses lignes, dès qu'il raccroche le téléphone, ses lignes sont bloquées, c'est-à-dire qu'il ne peut plus téléphoner nulle part. Sur le coup, il ne s'inquiète pas, mais là, il les rencontre et il lui demande, ces gens-là, de signer, ouais. signer son inaptitude et que ce sont eux qui vont gouverner, ou le comité d'État sur l'état d'urgence qui va gouverner. Ils sont délégués par ce comité-là. Il refuse, il les engueule, il y a des gens très proches de lui là-dedans, là. Ouais. Il y a des gens qu'il a nommés, il les insulte, il est en colère. Et il refuse tout net de signer. Raïssa Gorbatchev, à ce moment, est très, très énervée, très malade. D'ailleurs, elle va en ressortir avec ouais. une paralysie du bras et un problème d'articulation. Et ça, c'est le 18. D'articulation vocale. C'est le 18 août. Oui. On lui donne une dernière chance, entre guillemets. Ses putschistes lui disent, on ne veut pas de ce traité de l'Union. Il dit non, il les engueule, il ne veut pas signer son inaptitude. Et donc, lendemain, coup d'État. Vous êtes à Moscou, un peu par hasard. Comment ça se passe les tout débuts? On reviendra sur la journée du 19 dans un instant, mais à quel moment vous comprenez qu'il se passe quelque chose? Mais, quand on voyage dans des pays aussi éloignés, on se promène toujours. C'était la mode à l'époque avec une radio onde courte. Ouais. Et donc, je pouvais, par mon radio onde courte, écouter Radio Moscou. Et habituellement, bon, il y avait de longues présentations, il y avait des bulletins de nouvelles. Et tout à coup, c'est pas ça que j'entends. J'entends une musique de balalaïka et j'entends un communiqué du comité pour l'état d'urgence qui dit que le président Gorbatchev est incapable d'exercer ses fonctions et que c'est le comité qui va prendre la relève ouais. et que désormais le pays est aux ordres de ce comité. Et c'est très bref, là, c'est un communiqué de 4-5 lignes, même pas une minute. Ça sent Alors, mauvais. Et là, je regarde par ma fenêtre, j'étais à l'hôtel Intourist, qui à l'époque très proche de la Place Rouge, une grande tour gris foncé. Et qu'est-ce que je vois par les fenêtres? Déjà des chars d'assaut qui allait se positionner. Le matin, donc, du 19 août 1991, ce sera une très, très grosse journée. Extrait, à nouveau, d'un reportage de Claude Gervais. Comment réagissent, au fond, les moscovites à ce coup d'État quand ils comprennent ce qui se passe? Ce matin, des centaines de chars ont pris position à Moscou autour des principaux édifices gouvernementaux. Une foule importante s'est alors rassemblée dans les rues pour tenter par tous les moyens d'empêcher l'avance des troupes. Plusieurs moscovites ont érigé des barricades dans les rues qui mènent au Parlement russe. La population a répondu en masse à l'appel lancé du haut d'un char par le président russe Boris Yeltsin. Un appel à la résistance et à la grève générale contre ceux, a dit Yeltsin, dont le pouvoir est illégitime. Les moscovites vont répondre à l'appel à la résistance de Boris Yeltsin, Marc Lerandeau. C'est un appel, d'ailleurs, on y reviendra, qui est devenu célèbre. Il est sur un char. Mais ça va très, très vite, cette journée-là, la première journée du putsch, le 19 août. Racontez-nous un peu ouais. comment ça se passe. M. Gervais, le journaliste, la raconte très bien, mais il est à Montréal avec ouais. Bernard de Rome, qui vont m'interviewer. Ce qu'on appelle un récit. Là. Voilà, un récit. Ouais. Puis ce que vous avez passé en début d'émission, c'était dans le téléjournal, sauf que parce j'étais que vous en direct êtes seul de Moscou. À ce moment-là, vous. Oui, pendant quelques heures, j'ai été seul parce que tout le monde, c'était les chaleurs de l'été, tout le monde était parti en banlieue de Moscou, les plus chanceux partis en vacances, et les correspondants n'étaient plus là, ouais. ceux de Radio-Canada et de CBC, et même ceux de la presse écrite étaient partis. Alors au moins la première journée, j'étais pratiquement seul. Là. Et alors, toute une journée, ça, oui, ça va aller très très très vite. Oui, ça déboule très vite. Ce que vous décrivez, l'arrivée des chars d'assaut, la résistance, le fait que Boris Yeltsin le matin, il habitait un peu en banlieue de Moscou. Et les gens se réunissent autour de lui dès qu'ils ont vent du coup d'État. Et lui pense rester là, puis donner des indications à partir de là. Et son entourage lui dit « Non, il faut que vous alliez à Moscou. » Et il y va. Il s'approche des chars d'assaut, lit cette proclamation qu'il avait préparée. Il faut désobéir à ces ordres anticonstitutionnels. C'était son moment, Churchill dirait, « his finest hour », c'est-à-dire son grand moment historique. Il a saisi cette occasion pour s'adresser au peuple et démontrer un certain courage debout sur un char d'assaut. Quel symbole! Mais c'est le flair, son entourage qui le pousse. Au fond, je vous écoute, puis il n'y a rien de prémédité, c'est de l'opportunisme politique. Il sent que c'est le moment, il y a une occasion pour lui à saisir. Ben, il y a un flair politique, mais oui. Je crois qu'il était... Le fait que son entourage, le matin, il y avait tout son entourage politique autour de lui en banlieue de Moscou qui décidait. Et eux, ils ont bougé vite. Oui. Alors que les putschistes, eux, très maladroitement et de façon hésitante, on pourrait presque dire amateurs, ont mis en place ce coup d'État. L'armée ne les suivait pas aussi. Il y avait un ordre d'un groupe d'élite alpha d'arrêter Boris Yeltsin, le président de Russie. Alors, ils arrivent en retard. Oui. Ils étaient déjà partis pour Moscou. Ils s'étaient adressés à la nation. Il n'y avait pas grand monde. Il y avait une centaine de personnes, mais comme ça a été répercuté par les télés, évidemment, ça s'adressait à la nation entière. Et les gens voyaient qu'il y avait une faiblesse dans ce coup d'État. C'est-à-dire que les chars d'assaut, on pouvait le voir, arrêtaient au feu de circulation. Il y avait des gens qui mettaient des fleurs dans les écoutilles des chars d'assaut, qui s'adressaient aux soldats à l'intérieur. Mmh. Il y avait donc... C'était pas une résistance dure. On tirait pas sur la foule. Là. Il y avait un dialogue possible dès la première journée. Et de fait, certains chars vont changer de camp, si je ouais, peux dire. Oui, ça, j'ai été témoin de ça le lendemain. Ouais. C'est-à-dire que devant le Parlement de Russie, parce que c'est là que l'action se passait, en fin de compte, Gorbatchev étant à l'extérieur, on avait ordre, ça venait des gens du complexe militaro-industriel, là, d'arrêter les parlementaires qui étaient à l'intérieur. Ils ne l'ont pas fait. Et moi, j'ai été témoin d'un revirement, c'est-à-dire une dizaine de chars d'assaut devant le Parlement qui devaient se poster là pour faciliter l'arrestation. Et ils ont manifesté un signe contraire, oui. C'est-à-dire un appui à ceux qui résistaient au putsch. La foule applaudissait. Vous comprenez que quand il y a des chars d'assaut sur place, c'est toujours un signe de tristesse, d'abattement. Vous voyez les images de la Tchécoslovaquie. Et là, on voyait au contraire des manifestations de liesse, véritablement, qui entourait le passage de ces chars d'assaut. Un revirement. Il y avait la résistance de l'armée face aux hauts gradés, oui. Parce que les plus jeunes, eux, n'avaient pas nécessairement la même mentalité que les hauts placés dans l'armée, mais il y avait aussi la faiblesse des putschistes oui. eux-mêmes aussi, ceux qu'on a nommés, Gennady, Yanayev et tous ces gens-là. Faiblesse qu'on voit bien, Marc, puis parlez-nous-en un instant, mais à cette fameuse conférence de presse, je pense que c'est le soir du premier jour, oui. le 19 août, où ils se présentent, d'abord ils font une conférence de presse, des putschistes, et ils se présentent tremblotant. Mais oui, c'est ça. Imaginez Pinochet dans la même situation. Il aurait émis un communiqué, aurait fait une brève apparition, mais pas répondu aux questions. Eux le faisaient pour la presse internationale, mais apparaissaient de la faiblesse dans leurs réponses. Les journalistes leur demandaient « Mais vous avez fait un coup d'État, ça n'a pas de bon sens. » Puis ils étaient pris pour répondre à ça. Et avec faiblesse, je dois dire, Gennady Yanayev en particulier. Et le lendemain, un organe Nova Vremia, un journal titrait « Ils ont perpétré le coup, mais leurs mains tremblent ». Mais c'était ça, ils étaient... Exactement. Puis, sous une bonne partie du temps, l'histoire nous le dira, nous le confirmera, plusieurs d'entre eux ont sombré dans l'éthylisme dans les bureaux du Kremlin. Ce qui fait que le 21 août, le sort en est joué, les carottes sont cuites pour les putschistes. Pour nous raconter l'état d'esprit qui règne à ce moment-là à Moscou, à la suite de l'échec de ce coup d'État, un certain... Marc Laurendeau, au micro de Marie-Hélène Poirier. Et tout de suite après, toujours à l'émission de Marie-Hélène, les actualités, le journaliste de l'AFP, Pierre Taillefer. J'ai jamais vu une foule aussi énorme des fous déferler d'abord sur la place rouge et de faire des arrêts aussi à certains endroits devant le Parti communiste, le comité central du Parti communiste. Et là, j'ai vu des gens manifester leur agressivité vis-à-vis du Parti. Invectiver, crier nazis, fascistes, déchirer leurs cartes, montrer du poing. Il y a un ressentiment à l'égard du Parti communiste qui était là très très visible et dans toutes les classes. Marc, ce que démontre la réaction des Soviétiques, c'est que la glasnost, c'est-à-dire la transparence, la capacité de s'exprimer, ça, ça a vraiment été une victoire. Oui, mais ce que j'ai remarqué aujourd'hui dans les rues, Marie-Hélène, c'est, comment dirais-je, glasnost et perestroïka, ça a été imposé d'en haut, ça a été pensé, comme tout le reste d'ailleurs en Russie, hein, depuis des siècles. C'est l'autorité, finalement, qui a imposé ces réformes-là. Mais ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est peut-être le début d'une révolution populaire. Les gens, après ce qui s'est passé, après le coup d'État, ont senti qu'il fallait que ce soit eux qui se manifestent. Et ça, c'est un changement. Et il va falloir compter avec cette réalité-là maintenant. Les manifestants à Moscou s'en sont pris au siège du KGB. Ce soir encore, ils sont en train d'essayer de déboulonner la statue du fondateur du KGB, en fait de la Tcheka, ce qui était qui a précédé le KGB, Félix Dzerzhinsky. Ils vont sans doute y arriver. Et le maire de Moscou, le maire réformateur de Moscou, est en train d'interdire les activités du comité de la ville de Moscou du Parti communiste. Et on voit bien que la volonté de faire le ménage existe un petit peu partout. Alors, en août 91, Marc Lorando, c'est plus qu'un putsch raté, on l'entend clairement. On tourne une page d'histoire, on s'attaque au KGB, mais au symbole du vieux régime. Bien, tout est déclenché. Il y a un débat au Parlement, auquel j'assiste d'ailleurs, où se confrontent Gorbatchev, revenu de Crimée, et la nouvelle force montante, Boris Yeltsin. Et Yeltsin tend à démontrer que tous ces gens qui ont participé au putsch ont été mis en place par Gorbatchev. Il n'a pas eu le flair, il a mal choisi son entourage. Et la discussion continue, et en fin de compte, Gorbatchev, lui, c'est un réformateur, il veut sauver le Parti communiste soviétique. Ils n'ont pas encore sauvé le parti, il faut le réformer. Mmh. Et son vis-à-vis, qui, évidemment qu'il y a des succès de foule, puis les députés l'applaudissent, Boris Yeltsin dit non. Je le déclare, parce que là, il y avait tous les pouvoirs. Lui était élu au suffrage universel depuis juin, alors que Gorbatchev l'était par délégation, donc moins de légitimité. Et là, il disait non, je suspends ses activités et pour un temps, il sera illégal. Et c'est là la manif à laquelle j'ai assisté où les gens déchiraient leurs cartes, etc. Oui, les gens participaient et là, on sentait que c'était la chute de l'Union soviétique qui s'en venait. Il y avait un monument où c'était écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Les gens avaient écrit en dessous « Contre le communisme ». Ouais. Alors, non, on sentait. Et puis, ce qu'on décrivait, la statue de Félix Dzerzhinsky, c'est énorme. C'est devant la Loubianka, l'édifice du KGB. C'est fait pour impressionner. C'est gigantesque. Ouais. Alors, je suis allé là pour prendre des morceaux du socle en marbre. C'était fabuleux parce qu'on pouvait, dans le bar de l'hôtel qui était juste en face, je pouvais voir CNN et on voyait les images de CNN, la statue qui sautait. Puis là, c'est les images qu'on voyait partout dans le monde. C'était là Hôtel Savoie. Et quand j'allais sur la place, je voyais ça en direct. C'est-à-dire quelle chance d'assister à cette transition. La fin, c'est le début de la fin de l'URSS. Et vous l'avez déjà un peu abordé, mais il y a ce match qui va suivre, ce putsch raté du mois d'août 91, ce match Yeltsin-Gorbatchev. Là-dessus, un extrait d'une correspondance de Martine Pinchot. On est toujours, au fond, le 22 août avec le décalage, mais elle résume, au fond, la fin du putsch le 21 août 91. Puis vous allez voir, elle nous prépare à ce match qui s'en vient. Eh bien, présentement, il y a une immense manifestation, une manifestation de la victoire au Parlement de la Russie. Yeltsin, le poing levé, a annoncé la victoire. Il était flanqué de députés russes et du maire de Moscou. Édouard Chevardnadze était là. Édouard Chevardnadze qui a démissionné l'an dernier en avertissant des dangers d'un coup d'État qui se préparait. Oui. Eh bien, Chevardnadze a déclaré qu'un nouveau pays était né et une nouvelle démocratie était née. D'ailleurs, le drapeau de la Russie pré-révolutionnaire flotte maintenant depuis quelques minutes seulement sur la Maison-Blanche, le Parlement de Russie. L'ambassadeur de la France est venu aussi féliciter les manifestants. Il les a appelés les soldats de la liberté. Et à l'heure où on se parle, ces soldats de la liberté sont en route pour la Place Rouge. Ils vont aller manifester devant le Kremlin. Par ailleurs, Gorbatchev est revenu à Moscou pendant la nuit. Il paraissait fatigué, mais soulagé. Il a remercié les Soviétiques, les Russes de s'être opposés aux putschistes et surtout, bien sûr, Boris Yeltsin. Boris Yeltsin qui est présentement, sans aucun doute, l'homme de pouvoir, l'homme Exactement. De l'heure. Et c'est maintenant un tout nouveau rapport de force qui va s'établir entre Yeltsin, le symbole de la résistance et de la démocratie, et Gorbatchev. Et c'est Yeltsin, Marc Laurendeau, qui va remporter cette manche contre Gorbatchev. On allait dans les rues, on allait dans les restaurants, les gens criaient « Yeltsin, Yeltsin ». Il était une espèce de dieu à cette époque-là. Pourquoi il est si populaire, avec ce qu'on sait maintenant? Mais enfin, pourquoi il est si populaire? Bon orateur, communiquant très facilement, de façon peu intellectuelle avec les gens, avec une certaine fougue, sympathique. Il y a un charisme chez Yeltsin. Je disais que c'était sa meilleure heure quand il est monté debout sur le char d'assaut. Mais par la suite, quand il va arriver au pouvoir, malheureusement, il ne pourra pas appliquer la thérapie de choc sans le faire avec beaucoup, beaucoup de corruption. Des dettes non remboursées au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale. Ouais. Beaucoup, beaucoup de corruption. S'il n'avait pas été gracié par Poutine en 2000... Il aurait pu aller en prison, là. Et puis, lui aussi a sombré dans l'éthylisme et puis les espèces de remaniements impulsifs de son cabinet. Mm-hmm. Non, ça a été vraiment la chute après. Ouais. Ça a été une dégradation. Et les gens n'en pouvaient plus de voir Boris Yeltsin. Et celui qui était moins populaire à cette époque, c'était Gorbatchev. Qui devra démissionner d'ailleurs, mais ça va aller très vite. Oui. Et le 25 décembre 91, l'URSS n'existe plus. Ce sera la courte période de la Communauté des États indépendants, la CEI. Mais c'est la fin pour Gorbatchev. Oui, mais c'était lui le visionnaire. Même si c'était un réformateur, il voyait les choses dans un cadre juridique. Il voyait une URSS qui aurait pu se réformer de l'intérieur, qui aurait pu assimiler l'économie de marché, un peu comme la Chine le fait présentement, pour faire une transition. Et c'est lui qui, avec la glasnost, le meilleur de l'héritage de Gorbatchev, c'est la glasnost, la transparence. C'est parce qu'il a donné la liberté aux journaux, à la presse. Et c'est ça, finalement. C'est pour ça que les putschistes étaient pris. C'était pas comme avec Khrushchev en 64, où on l'avait fait revenir du Caucase pour le destituer. Mm-hmm. Là, on avait pu le faire sans les chars d'assaut. Mais là, comme les gens avaient la liberté d'expression, il fallait qu'on intimide la population. Ouais. Alors, son meilleur héritage, ça a été la glasnost. Ça a été un visionnaire. Le mur de Berlin, inutile de dire qu'il eût pu faire un autre choix, mais qu'il a fait le choix le plus rationnel. Mais il n'était pas en phase, n'était plus en phase en 91 avec sa population. C'est Yeltsin qui était populaire. Mais à moyen terme, malheureusement, ça va mal se terminer. Je vous parlais de la statue du KGB. Quand on arrache de son socle la statue du KGB, c'est très drôle. Et puis, c'était une silhouette effrayante qui faisait peur à tout le monde puis qui rappelait un tas de souvenirs. Mais on se retrouve maintenant avec un représentant du KGB. C'est vrai. Et avec, sur le plan des libertés, de la glasnost, un gros tour de vis, là. Les médias importants appartiennent à Poutine. Je parle des télévisions. Il contrôle entièrement l'appareil judiciaire. Il n'y a pas de tribunaux indépendants dignes de ce nom. Il persécute et pourchasse les ONG. Il ne pousse pas très loin les enquêtes sur les journalistes assassinés et les opposants aussi. C'est quand même pas une coïncidence qu'il y ait de monde en Russie qui soit assassiné et qui soit défavorable au régime. En plus, c'est une bande de kleptocrates enrichis, tout l'entourage de Poutine sur le plan des libertés, sur le plan de l'égalité sociale. C'est une régression. Marc Laurendeau, journaliste, ami de l'émission, merci infiniment, Marc. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.